Lorsque la terre et le ciel ne faisaient qu'un. L'âme m'appartient. Je révèle le jour, inspire la nuit et disperse les cendres loin. Je reprends ce qui est mien. Je fais renaître la flamme. La flamme m'appartient. La flamme m'appartient. Et ma vie m'appartient. À présent, je suis. De mon temple, 13 de la flamme et du chemin. Gardien de mon temple, maîtresse de la flamme et du chemin. Et le temple est un. Ainsi se révèle le jour. Ainsi renaît la flamme qui guide le voyageur sur son chemin.